Avoir traversé une multitude d'épreuves quand personne n'imaginait qu'on pourrait s'en relever. S'être remise debout toujours plus vite, peu importe les difficultés. Je l'ai fait plus d'une fois. Sans prendre la fuite, j'ai continué. Mon passé m'a fait devenir un être fort qui refuse toujours d'abandonner. Avoir perdu la vue ne signera jamais ma fin. Ma vie continue, même si c'est dans un autre quotidien. Ma volonté n'est pas tenace. Elle est bien pire que ça. Il n'est pas prêt de se lever le jour où je baisserai les bras. Dans le noir qui m'entoure, j'ai peur comme c'est pas permis. En l'avouant, je me mets des claques, car jamais je n'oublie que mon chemin sera beau, peu importe que je vois ou non. Tout sera différent, mais j'avance de la même façon. Sourire aux lèvres, je continuerai de croire en toutes mes valeurs. Mes rêves, je les réaliserai pour les plus grands de mes bonheurs. Je voulais revoir Saint-Denis et ses visages auxquels je tiens. Ils ne seront plus que des souvenirs, mais leurs voix résonneront dans d'autres lendemains. La médecine actuelle n'est pas certaine d'avoir de grandes solutions pour moi. Mais le temps passant, je suis certaine qu'une évolution arrivera. Je resterai peut-être aveugle, mais j'ai la chance d'avoir des images plein la tête. Un jour, je verrai à nouveau, et je me tiens déjà prête. Je suis toujours la même femme, mais encore plus déterminée. Mon cœur bat, donc je ne me donne pas le droit de pleurer. Mes yeux le font déjà assez lorsque la brûlure est trop forte. La douleur s'en ira, et moi du noir, il faut que je sorte. Je ne m'avouerai jamais vaincue. Mon regard se posera à nouveau sur tout ce monde que je traverse pour le raconter en plus beau. Tant que l'espoir m'accompagne, j'irai toujours de l'avant. Après tout, quelqu'un l'a écrit avant moi, mais dans la vie, faut du cœur et un mental de résistant.